22. Un parfum. Marianne voulut m'écrire, car elle était très bonne. Elle ajouta une page détachée à celle que reçut sa mère, où elle se mettait à genoux devant elle pour lui apprendre son mariage et lui demander pardon. Quoi faire, quoi dire, Léonard ? Ce fut tout ce que Madame Élie trouva en essuyant une larme et en me montrant ma part de lettre. Elle avait encore ses lunettes, qui ne lui servaient jamais que pour lire la Bible ou ses prières en latin. Ce jour-là, elle lui avait servi à lire une lettre de sa fille. Elle ne les ôta que quand elles furent troubles de ses pleurs, et pour m'écouter lire la mienne, jusqu'à l'adresse et à la signature de Marianne. Son cœur passionné ayant atteint ce qu'elle pensait, l'enfant, le comble et le sceau de sa destinée sur terre, eut une angoisse pour le mien qui restait, pensait-elle, si vide et si désespéré. Désespéré, c'est vrai, mais vide, oh non pas. J'étais bien plus marié avec elle-même, c'est-à-dire avec son âme, que son de l'ange ne pouvait jamais l'être, hélas. Eût-il signé 100 contrats, les uns sur les autres, et mis à son doigt 1000 anneaux d'or devant les prêtres et les livres de la loi. Enfin, elle pensa que des lettres me feraient du bien, et elle m'en écrivit. Je ne la reconnus pas dans cette écriture que je n'avais jamais vue. Je n'avais qu'à regarder devant moi pour la retrouver présente dans la nuit ou dans le jour, dans les rues, dans mon jardin, partout. Son écriture toute de travers n'avait pas un trait de sa physionomie mobile, pas même un retentissement de sa voix, car le naturel charmant de ses mots, de son rire sonore et vrai, de ses demi-révélations d'en haut, qui sortaient de ses lèvres sans le savoir, comme les chants qui ouvrent la bouche des anges dans les cœurs séraphiques de Raphaël, qui me donnent toujours une si puissante envie d'adorer et de chanter moi-même, ce papier griffonné n'en retenait rien pour moi. Il était doré sur tranche, et il sentait le musc. Ah, mon Dieu, Marianne, sentir le musc, quel désespoir! Ce n'était plus ce parfum, ce qui sortait doux de ses cheveux, d'elle-même, car chaque être a sa senteur, comme chaque plante, qui cause l'attraction ou l'éloignement. Et Marianne avait un goût suave et pur, un souffle balsamique, que je n'ai jamais retrouvé que dans l'air des champs, et que 100 000 parfumeurs réunis ne pourraient prétendre à composer pour moi, doué d'une mémoire si malheureuse et si fidèle, aussi jugée comme j'avais besoin de ce musc de boudoir. Je finis par ne pas répondre à ces lettres honnêtes, qui me froissaient comme une musique du dehors qui passe et se mêle tout à coup à une musique intérieure, où l'on se plaisait, on est obligé de fermer les fenêtres et d'écouter ses oreilles. Je fermais volontairement mon âme à ces consolations qui irritaient mon mal, et j'eus le goût de ne plus répondre. Marianne me crut guérie. Elle dit qu'elle en était contente, et qu'elle pleura une fois, plus d'une fois peut-être, devant mon image changée. C'était un coup pour elle, car elle voulait croire à la constance dans l'amour. Si Léonard change, on peut donc cesser d'aimer. L'ingrate, elle ne me plaira qu'en songeant à celui qui la faisait lentement mourir sous ses infidélités uniformes. Elle osa dire, « Voyez, ils se ressemblent tous, et Léonard aussi ne m'a aimé qu'un temps. » Sa sœur, qui vint en voyage chez leur mère, me dit cela. Je l'écoutais sans lui répondre, et tous mes ongles passés sous mon gilet entr'ouvert entraient dans ma chair que je déchirais avec un visage immobile. Mon Dieu, que j'ai été malheureux! Je sais bien qu'on est pour cela au monde, mais il me semble que c'est plus ou moins, et penser que tant de malheur est inutile à la félicité des autres, c'est à se jeter la tête contre la muraille. Sans doute le Christ a bu un immense calice de fiel et d'amertume, mais étendu sur sa croix, il levait la tête et criait « Mon Père !» Il baissait les yeux, et il voyait la terre sauvée par le sang qui sortait de ses blessures. Il y aurait là de quoi exalter un homme tout simplement bien né, jugé d'un Dieu. Aussi la vue des malheureux, loin d'attendrir mon chagrin, qui tournait au farouche, me serrait les dents d'une contraction sauvage. Il semblait que ma vie flottât dans du vinaigre. Quoi, disais-je, émerveillé de mes afflictions, je ne souffre donc pas assez pour que celui-là ne souffre pas, ni celui-là, ni cela, car j'avais autour de moi des preuves nombreuses, que chacun a ses ronces. Comment, me voilà dans mon jardin des olives, flagellé d'épines, abreuvé d'absinthe, un clou dans le cœur attaquant jusqu'aux nerfs de mes mains, qui ne peuvent plus peindre, et tout cela n'empêche pas un cheveu de tomber aux autres. Mais où sommes-nous donc à la fin, si c'est là ce qu'on appelle être sauvé? Et puis, s'en aller après en enfer ou au purgatoire. Oh, je vous avoue que je protestais avec cris et révolte contre cet ordre de choses, et que je me mis à railler au nez de M. Goguillon, l'honnête curé de Notre-Dame, contrit des idées audacieuses que la Révolution avait semées dans notre petite vallée de douleurs.